Michel Serre, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serre, la semaine passée, nous parlions du bonheur et vous nous disiez, paradoxalement, que le volume de joie est infiniment supérieur au volume des souffrances. Cette semaine, nous allons parler d'un art ou d'une tradition, d'un jeu que certains estiment sportif, d'autres burlesque, la tauromachie. C'est la saison où cessent les corridas, c'est la saison des amours pour les taureaux et leurs compagnes vaches, temps de repos avant le retour des combats et le retour devant la scène des toreros. La corrida est d'inspiration hispanique, elle se pratique dans le sud de la France et bien plus en Espagne, au Portugal, en Amérique latine, mais aussi d'ailleurs aux États-Unis. Pour certains, c'est une boucherie. Pour d'autres, c'est une tradition plutôt chevaleresque. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est une boucherie certainement, mais à la boucherie, on tue des centaines et même des milliers de taureaux tous les jours sans que personne n'y trouve émotion. Ce qui est interdit, évidemment, c'est la scène, c'est la représentation, c'est la corrida, c'est de voir des animaux mourir. S'il s'agit d'autre part d'écologie, c'est-à-dire de la protection d'une espèce, il faut bien dire que cette espèce est très très loin de disparaître. C'est même une celle des plus abondantes du monde. Et alors, comment expliquer la tauromachie ? Ce que j'en pense, eh bien je crois qu'il faut se retourner vers ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'origine, qu'est l'histoire des religions. L'histoire des religions fait comprendre ce que c'est vraiment que la course de taureaux. Voici. Une des plus vieilles religions du monde, la religion égyptienne, révérait le taureau, c'est-à-dire le taureau Apis. Absolument. Avait une importance centrale et représenté souvent dans les religions égyptiennes, mais surtout la religion perse, la religion de Mithra, la religion mithraïste. Et vous savez qu'il y a un bas-relief célèbre qui montre Mithra coiffé d'un bonnet phrygien en train de sacrifier un taureau en le tenant par les naseaux, n'est-ce pas, un taureau fumant, et le plaquant contre terre et enfonçant le couteau sacrificiel à l'endroit même où la muleta du torero l'enfonce au moment de mourir. Et cette religion mithraïste, j'ai rencontré encore des gens qui sont de religion mithraïste parce qu'elle est encore en Iran, assez vivace, assez pratiquée. Et cette religion mithraïste a été si importante dans l'Empire romain, elle était très répandue parmi les légionnaires des soldats romains, qu'elle a concurrencé longuement le christianisme, et c'est le christianisme qui l'a plus ou moins éliminé. Alors, on raconte beaucoup de choses sur cette religion-là. On dit que le taureau était le symbole de la fertilité, et en effet, on a des représentations où les femmes lèvent leur jupe devant le taureau, parce qu'il est le symbole de la fertilité. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne crois pas que ça soit ça qui fasse comprendre vraiment la tauromachie. Ce qui fait comprendre la tauromachie, c'est une histoire qui est dans la Bible, tout simplement. Dans la Genèse, chapitre 22. Et cette histoire est l'histoire fondatrice de toutes les religions monothéistes, c'est-à-dire à la fois juives, chrétiennes et musulmanes, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu dit à Abraham de monter sur la montagne et de sacrifier son fils Isaac. Il monte sur la montagne avec le bois du bûcher sacrificiel. Il s'apprête à tuer Isaac et au moment même où il lève le bras, le couteau sacrificiel, Dieu retient son bras. Au moment même, l'ange de Yahvé intervient et lui dit non, tu ne sacrifieras pas ton fils, mais tu vas sacrifier un bélier dont les cornes sont prises dans le buisson voisin. Et donc, il prend le bélier et il tue le bélier à la place de son fils. Et cette histoire-là est absolument fondamentale dans le processus d'hominisation. C'est-à-dire, le sacrifice humain est remplacé par le sacrifice animal. C'est un moment solennel où nous sommes devenus vraiment les plus hommes civilisés que nous sommes. C'est-à-dire, tu ne tueras pas un homme, tu tueras un animal. Or, justement, dans les courses de taureaux, c'est exactement cet événement qui se passe. C'est exactement cette commémoration, ce souvenir qu'on est en train de célébrer. Mais il y a deux différences entre la course de taureaux et l'histoire que je viens de vous raconter. On l'a transformée en jeu quand même, premièrement, en spectacle. Premièrement, c'est la violence collective. Dans un cas, c'était le sacrifice du fils qui est remplacé par un sacrifice animal. Et là, c'est une sorte de violence collective. C'est plus la violence personnelle, mais la violence collective. Non plus un à un, père à fils, mais la violence du peuple, le lynchage du peuple. Il est en foule, assemblé, en rond, autour de cette scène primitive entre le taureau et le toréador. Mais on y commémore l'instant juste avant le sacrifice. C'est-à-dire, vous vous rappelez qu'au moment même où il lève le bras, l'ange de Javier arrête le bras et lui dit « Non, tu vas passer du sacrifice humain au sacrifice animal. » Or, précisément, juste avant, il y a le moment où on hésite, on ne sait pas encore qui va mourir. On ne sait pas qui va mourir de l'enfant. Isaac, enfin d'un sacrifice humain ou l'animal. Et dans la course de taureau, on ne sait pas qui va mourir. La preuve, le toréador, c'est ou que le Manolé est mort justement en fin d'après-midi par les cornes du taureau et que le torero en habit de lumière risque encore de mourir des cornes du taureau ou de la charge du taureau. Donc on est dans cet instant solennel où l'humanité est encore au milieu entre le choix. Est-ce que c'est le sacrifice humain qui va l'emporter ou c'est le sacrifice animal qui va l'emporter? Et par conséquent, la course de taureau est, dans l'histoire des religions, la commémoration solennelle d'un moment extraordinaire où, précisément, nous sommes devenus les hommes que nous sommes. Et si on oublie ça, si on croit que c'est de l'écologie, ou que c'est, etc., si on oublie cette histoire des religions, alors on risque de trouver plus naturel de tuer un homme qu'un animal, c'est-à-dire de revenir au sacrifice humain, c'est-à-dire à la barbarie. Et c'est l'histoire des religions seulement qui permet de l'expliquer. Et me direz-vous si c'est une tradition qu'il faut maintenir, perpétuer, ou si elle n'est pas trop ancienne ? Je ne réponds jamais à la question « faut-il » ou « il faut », je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est expliquer en fait ce qui s'y passe, et ce qui s'y passe est un moment absolument fondamental dans le processus d'hominisation. Vous assistez à des corridas parfois ? Ça m'est arrivé souvent. Je suis en effet du sud-ouest et dans le pays natal où j'ai vécu, où je suis né, il y avait une Plaza de Toros et c'est très souvent j'ai assisté à ça. Et c'est très longtemps après que j'ai compris ce qu'on y faisait, c'est-à-dire assez récemment que j'ai compris qu'il fallait rapprocher cela de ce passage entre le sacrifice humain et le sacrifice animal, un peu en deçà du moment où Abraham lève le couteau sur son fils. Michel Serres, merci. Bonsoir et à dimanche prochain.